الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد nous allons tenter de continuer inshallah dans cette traduction de l'explication donnée par le noble Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin de la sourate An-Naba en se basant sur la retranscription qui a été faite de son exégèse dans la dernière partie correspondant à l'exégèse de la de Juz Amma. Et nous avions donc abordé l'explication du début de cette sourate et nous en arrivons aujourd'hui au verset 24 à 30, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos des outranciers qui auront la GN comme point de chute, « La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa ghassaqa jaza'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadhabu bi ayatina kidhaba » وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une eau bouillante et une autre extrêmement froide, comme rétribution équitable. Cela car ils ne s'attendaient pas à rendre compte et qu'ils traitaient continuellement nos signes versés de mensonges. Or, nous avons exhaustivement recensé toutes choses par écrit. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. L'exalté a dit, « La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba » Ils n'y goûteront, c'est-à-dire dans la Géhenne, ni fraîcheur, ni breuvage. Allah subhanahu wa ta'ala a ici nié le fait que les habitants de la GN puissent jouir d'une quelconque fraîcheur, que cette fraîcheur-là soit apparente et touche l'aspect apparent du corps, ou intérieur, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nié le fait que les habitants de la GN y goûtent un quelconque breuvage qui provoquerait la fraîcheur de l'intérieur de leur corps. Et cela est dû, et qu'Allah nous en protège, c'est auprès de lui que nous cherchons la protection, cela est dû au fait que lorsqu'ils seront pris de soif et qu'ils demanderont justement d'être abreuvés et qu'ils chercheront secours, ils seront abreuvés par une eau telle du métal infusion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Kahf, le verset numéro 29, « Wa in yastaghithu » يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Et s'ils demandent secours, ils seront abreuvés d'une eau telle du métal en fusion qui brûlera les faces. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Peut-on considérer que une eau qui est telle du métal en fusion puisse être profitable à celui de qui elle aura été approchée de la face du visage? La réponse, je la trouve en écoutant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Parlant des habitants de la Géhenne, ils y seront abreuvés d'une eau bouillante qui déchirera leurs entrailles. Surat Muhammad, verset numéro 15. Concernant l'aspect apparent de leur corps, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, toujours à propos donc des habitants de la Géhenne, خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ. Qu'on le saisisse, puis qu'on l'emporte en plein dans la fournaise, puis qu'on verse sur sa tête du châtiment de la fournaise, du châtiment bouillant plus précisément. Surat Dukhan, versets 47 et 48. L'exalté a également dit, يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. Surat al-Hajj, verset 19 et 20. On versera de l'eau bouillante sur la tête de ceux qui n'ont pas la foi. Elle fera fondre ce qui est dans leur ventre ainsi que leur peau. Ce qui est dans leur ventre, c'est-à-dire leurs entrailles, correspondent donc à l'intérieur du corps, alors que les peaux correspondent à ce qui est apparent de leur corps. Les gens qui seront dans cet état-là ne goûteront donc aucune fraîcheur et aucun breuvage qui pourrait éteindre la chaleur de ce qui est à l'intérieur de leur corps. En méditant sur ce que l'on peut trouver dans le Coran et la Sunna comme exposé de cette menace prononcée, adressée aux habitants de l'enfer, celui qui médite à ce sujet-là, il comprend la parole de certains anciens de cette communauté, de certains salafs, qui disaient, je suis surpris de voir comment peut dormir celui qui cherche à fuir de l'enfer. Et je suis surpris de voir comment peut dormir celui qui recherche le paradis. Si l'un d'entre nous venait annoncer que, à l'autre bout du globe, il y avait des palais, des fleuves, des épouses, et des fruits, et toutes sortes de délices, ininterrompus, et éternels. Chacun d'entre nous se mettrait à cheminer sans relâche, de jour comme de nuit, afin d'arriver à ce paradis, et afin de pouvoir goûter à ces délices immenses et grandioses. Ininterrompu, afin de pouvoir jouir de cette jeunesse ininterrompue qui n'est pas succédée par de la vieillesse, afin de pouvoir jouir d'une santé ininterrompue qui n'est pas succédée par de la maladie. Regardez actuellement de nos jours, les gens vont d'ouest en est, afin de mettre la main sur quelques dirhams ou quelques dinars. Et lorsqu'ils y arrivent, peut-être qu'ils en jouissent, peut-être qu'ils n'en jouissent même pas. Pourquoi n'agirions-nous pas ainsi quand il s'agit du paradis, de la recherche du paradis? Pourquoi n'œuvrons-nous pas sans relâche afin justement de bénéficier de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette récompense-là? Et pourquoi n'agissons-nous pas ainsi lorsqu'il s'agit de fuir du châtiment de l'enfer? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger ainsi que vous de l'enfer et de nous placer ainsi que vous parmi les habitants du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Illa hamiman wa ghassaqa » hormis une eau bouillante et une autre extrêmement froide. Ici donc, c'est une exception qui est mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne... ces choses-là qui sont exemptées du jugement précédemment exposé dans le verset précédent, n'en font pas partie, ne font pas partie de ce qui a été exposé. Dans le sens où cette eau bouillante et cette autre extrêmement froide ne relèvent pas de la fraîcheur et du breuvage à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé que les habitants de la Jahannam en seront privés. Donc ils goûteront dans l'enfer une eau bouillante et une autre extrêmement froide qui n'a rien à voir avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit comme fraîcheur et breuvage. C'est une eau donc bouillante à laquelle ils goûteront. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Yughathu bima'in kalmuhl »« Yashwi alwujuh » sera abreuvé d'une eau telle du métal en fusion qui brûlera les faces, c'est-à-dire qui brûlera les visages. Surat al-Kahf, verset numéro 29. Il a également dit, et ces versets nous les avons déjà cités, « Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum » Ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui déchirera leurs entrailles. Surat Muhammad, verset numéro 15. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Illa hamiman wa ghassaqa » Donc, « Al-hamim » c'est l'eau bouillante à laquelle ils goûteront, qu'Allah nous en protège. Et « Al-ghassaq » on a traduit le sens ici par une autre extrêmement froide. Et vous pouvez trouver dans certaines traductions que cela est traduit par le « pu ». Et on va voir sur quoi... sont basées ces deux propositions de traduction. Le Cheikh Ibn al-Uthaymeen de dire que les exégètes ont expliqué que Al-Ghassaq, c'est une boisson, un breuvage puant et très froid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a réuni, et c'est auprès de lui que nous cherchons la protection, il a réuni pour les habitants de l'enfer une eau extrêmement chaude, c'est-à-dire bouillante, et une eau extrêmement froide, c'est-à-dire glaciale, afin que les habitants de l'enfer goûtent au châtiment de ces deux manières-là. Le châtiment résidant dans la chaleur extrême et le châtiment résidant dans le froid extrême. D'autres exégètes ont soutenu que ce qui est visé par Al-Ghassaq, c'est le pu des habitants de l'enfer. Et ce qui sort de leur corps comme mauvaise odeur et sueur, ainsi que tout ce qui peut sortir de leur corps et qui s'apparenterait à cela. Dans tous les cas, ce noble verset indique que les habitants de l'enfer ne goûteront qu'à ce breuvage qui viendra déchirer leurs entrailles du fait de sa chaleur et qui privera leur corps de toute fraîcheur, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner. ces différentes sortes de châtiments, ces différentes sortes de châtiments provoquent donc une augmentation et une intensification du châtiment qu'ils vont subir. Jaza'an wifaqa, comme rétribution équitable, dans le sens où ils vont être rétribués conformément aux œuvres qu'ils avaient accomplies, sans subir d'injustice dans cela, et c'est là un point très important, sans subir la moindre injustice. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an, walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Certes, Allah n'est en aucun cas injuste envers les gens, mais ce sont les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Sourate Yunus, verset numéro 44. Donc, la rétribution en question, elle est en conformité avec leurs œuvres. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a clairement exposé le fait que ce châtiment fait justement suite à leurs œuvres. Et ils subissent ce châtiment donc en conformité avec les œuvres qu'ils ont accomplies. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadhabu bi ayatina kidhaba » Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ici dans ce verset, en disant dans cet essai de traduction, cette proposition, traduction qui j'espère est approchée du sens du verset, « Cela car ils ne s'attendaient pas à rendre compte et qu'ils traitaient continuellement nos signes et versets » Et verset de mensonge. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ici leur déviance au niveau dogmatique, au niveau de la aqida, et leur déviance au niveau de leur discours. Innahum kanu la yarjuna hisaba, car ils ne s'attendaient pas à rendre compte. Ils ne s'attendaient pas à rendre compte. Ils n'avaient pas espoir dans le fait d'être jugés. Au contraire, ils niaient le jugement, al-hisab, ils le niaient. Et ils niaient la résurrection en disant Ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. À propos de ce bas monde, il disait il ne s'agit que de notre vie dans ce bas monde. Nous y mourons et nous y vivons. Et seul le temps nous fait périr. Voilà donc la parole des polythéistes qui rejetaient la résurrection. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ Et seul le temps nous fait périr. Ils n'espéraient donc pas de jugement. Et ils ne pensaient pas être jugés étant donné qu'ils rejetaient cette chose-là. Voilà donc en quoi consistait leur dogme et leur doctrine. Le rejet de la résurrection. Quant à leur langue, elle criait au mensonge. Et ils disaient avec leur langue que la résurrection n'est que mensonge. Ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était qu'un menteur, un sorcier et un fou. Ils criaient au mensonge, à la sorcellerie et à la folie. Et prétendaient tout autre ou tout genre de prétention de ce genre. Comme nous le trouvons dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a exposé la manière dont les négateurs qualifiaient les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a en effet dit, Azza wa Jal, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. De même, aucun messager n'est venu à ceux qui les ont précédés sans que ces derniers ne disent que c'est soit un sorcier, soit un fou. Sourate Dhariyat, verset 52. L'exalté a également dit à propos de ceux qui démenté Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa qala al kafirun hadha sahirun kadhab. Surat Sad, verset numéro 4. Et les mécréants dirent, c'est certes un sorcier et un grand menteur. Ils ont dit également à son sujet que c'était un poète, en disant, comme l'a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset numéro 30 de la sourate At-Tur, Am yaquluna sha'ir, tatarabbasu bihi raib al-manun. Ou bien dirait-il que c'est un poète, attendant donc pour lui le coup de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit à leur sujet, sourate Al-Hijr, verset numéro 7, وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. Ils nous disent, ô toi, à qui le rappel a été révélé, littéralement, ô toi, vers qui le rappel a été descendu, tu es certes un fou, présente-toi donc à nous, avec les anges, si tu es du nombre des véridiques. Surat al-Hijr, verset numéro 7. Si ce n'était le fait que Allah, subhanahu wa ta'ala, avait affermi les pas des envoyés, et qu'il leur avait donné la patience et l'endurance face à leur peuple respectif, ils n'auraient pas enduré. Dans cette situation-là, il faut savoir que les gens qui composaient les peuples qui traitèrent les envoyés de mensonges ne se sont pas suffis de ce qui a précédé, mais ils les ont effectivement, ils auront effectivement porté préjudice par les actes, comme ce fut le cas avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a subi beaucoup de préjudice de la part des gens de son peuple, qui ont cherché à lui causer du tort, en allant même jusqu'à porter les armes contre lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui agissent ainsi, leur rétribution n'est autre que la gêne, en tant que rétribution équitable et conforme aux œuvres qu'ils avaient au préalable accomplies. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce noble verset, جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Comme rétribution équitable, cela car ils ne s'attendaient pas à rendre compte et qu'ils traitaient continuellement nos signes et versets de mensonges. L'exalté a dit, dans la suite donc de la sourate, dans le verset numéro 29, وكل شيء أحصيناه كتابا. Or, nous avons exhaustivement recensé toute chose par écrit. وكل شيء أحصيناه كتابا. Or, nous avons exhaustivement recensé toute chose par écrit. Toute chose, cela inclut aussi bien ce qui relève des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels que la création ou la gestion absolue de l'univers. Et cela inclut également ce que les serviteurs accomplissent comme acte et ce qu'ils prononcent comme parole. Kulla shay'in, toute chose, inclut effectivement toute chose, qu'elle soit petite ou grande. Ahsaynahu, nous l'avons exhaustivement recensé, c'est-à-dire de manière maîtrisée. en recensant de manière précise et cohérente toutes choses. Kitaba, c'est-à-dire par écrit. Et il est établi dans le hadith authentique que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toutes choses jusqu'à l'avènement de l'heure, comme cela a été recueilli par Muslim dans son authentique. Il faut savoir que les œuvres accomplies par les descendants d'Adam sont écrites. Disons même que toute parole est écrite. L'exalté a dit « Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid » Surat Qaf, verset numéro 18. Il ne prononce aucune parole sans qu'il y ait auprès de lui un surveillant qui est présent. Raqib, dans le sens de surveillant. Et atid, dans le sens de présent. Illa ladayhi raqibun atid. Un jour, un homme s'est introduit auprès de l'imam Ahmed. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors que ce dernier était malade. Et qu'il gémissait à cause de la douleur due à la maladie. Et cet homme lui a dit, « Oh Abu Abdillah, Taous faisait partie des célèbres disciples des compagnons, que l'on appelle Tabi'in. Taous a dit que les gémissements du malade sont écrits. À partir de là, l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, s'est arrêté de gémir, mais qu'il souffrait, par peur que cela soit écrit. Le Cheikh Ibn al-Uthaymin de dire, après avoir narré ce récit, qu'en est-il donc des paroles sans fin et sans limite, de paroles qui sont prononcées à longueur de journée et de nuit, sans que l'on n'y prête attention. Toute chose est écrite, jusqu'à ce que tu ambitionne, sans pour autant le prononcer, sans pour autant le faire, ce que tu ambitionnes de faire ou de dire, c'est écrit, soit pour toi, soit contre toi. Celui qui ambitionne d'accomplir une mauvaise action et qui ne l'accomplit pas, mais qui ne l'accomplit pas, non pas parce que il s'est rétracté, mais parce qu'il n'a pas eu la possibilité de le faire, eh bien il faut savoir que ce qu'il a ambitionné est écrit contre lui. Il avait l'ambition d'accomplir une mauvaise action, et il ne l'a pas accompli uniquement parce qu'il n'a pas eu la possibilité de le faire. Et que l'impuissance, l'incapacité, l'en a empêché. Auquel cas il aura accompli ce qu'il ambitionnait. Cette chose-là est écrite contre lui. S'il ambitionne d'accomplir une mauvaise action, mais qu'il la délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors à ce moment-là, cette chose-là est écrite pour lui. Comme on le trouve d'ailleurs dans un hadith recueilli par Al-Bukhari et Muslim. Donc rien ne se perd. Et toute chose est exhaustivement recensée de manière précise par écrit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fadhuqu falan nazidakum illa azaba » Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. « Fadhuqu » Goûtez donc, c'est un ordre qui a pour vocation d'humilier, de rabaisser. Dans le sens où il va être dit, dans le sens où il va être dit aux habitants de l'enfer, goûtez le châtiment, en guise d'humiliation et de rabaissement. Et le châtiment ne sera pas interrompu et ne sera pas non plus allégé. Et les habitants de l'enfer seront laissés dans l'état dans lequel ils sont et ils ne seront ajoutés qu'en châtiment. Aussi bien au niveau de l'alimentation qui leur sera donnée, aussi bien au niveau de la durée du châtiment et de la manière dont ils vont être châtiés. Dans un autre verset, on apprend que les habitants de l'enfer vont dire aux gardiens de la Géhenne, « Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawma min al-'adhab. Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawma min al-'adhab. » Sourate Ghafir, verset numéro 49. Médite sur cette parole, et ce sur plusieurs angles. Premièrement, ils ne vont pas adresser cette requête à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils vont plutôt l'adresser aux gardiens de la Géhenne, afin que ces derniers invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala, avant cela, leur aura dit, « Ikhsa'u fiha wa la tukallimoun » Surat al-Mu'minun. Verset numéro 108. Et je vous invite à revenir à l'exégèse de ce passage de la sourate Al-Mu'minun pour vous rendre compte de cette désillusion dans laquelle les habitants de l'enfer, qu'Allah nous en éloigne, vont se trouver. Cette parole-là, qui va leur être adressée, va marquer la plus grande de leurs désillusions. Après qu'ils aient nourri certains espoirs, ils vont savoir dire, Ikhsa'u fiha wa la tukallimoun. Soyez-y refoulés, c'est-à-dire dans l'enfer, et ne me parlez plus. Ils vont donc considérer que ils ne sont pas en position de demander quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer de eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils vont le faire en prenant des intermédiaires, à savoir les gardiens de la Géhenne. Deuxième point, ils vont dire « Ud'u rabbakum » Invoquez votre Seigneur. Je vous ai peut-être pas traduit le verset sur le Ghafir. Je vous l'ai traduit? J'ai traduit? Je pense. Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawma min al-'adhab. Et vous me laissez continuer. Tout le monde dit à l'ouest. Il a allégé un jour. Non? Tu l'as allégé un jour. Moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir dit. Non, non. Tu l'as entendu? Ou alors parce que tu l'as sur ton téléphone. Peut-être. La basse. Il n'y a pas de mal à le répéter. Surat Ghafir, verset 49, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Udu'u rabbakum yukhaffif anna yawma min al-'adhab » Donc les habitants de l'enfer qui vont s'adresser aux gardiens de la Géhenne en leur disant « Invoquez votre Seigneur afin qu'il nous allège un jour » de châtiment. Afin qu'il nous allège un jour de châtiment. Donc le deuxième point, justement dans le fait que ils vont dire « Ud'u rabbakum » invoquez votre Seigneur. Donc en s'adressant aux gardiens de la Géhenne, ils vont dire « Invoquez votre Seigneur ». Et ils ne vont pas dire « Invoquez notre Seigneur ». Pourquoi? Car leur face et leur cœur ne pourront pas prononcer cette parole-là en annexant la seigneurie souveraine d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur personne en disant notre Seigneur. Car ils seront dans un état de honte et d'humiliation telle qu'ils ne considéreront pas qu'ils sont en position là encore de prononcer cette parole-là en annexant la seigneurie souveraine d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur personne. C'est pour cela qu'ils vont dire aux habitants, aux gardiens de la GN, Rabbakum, votre Seigneur. Troisièmement, ils ne vont pas demander que l'on mette fin au châtiment, mais ils vont plutôt dire yukhaffif, afin qu'il allège, car, et qu'Allah nous en protège, seront dans un profond désespoir de voir leur châtiment être interrompu. C'est pour cela qu'ils vont demander l'allègement. Quatrième point, ils ne vont pas demander que cet allègement soit définitif, mais ils vont plutôt dire « Yawma min al-adhab », un jour de châtiment, un seul jour. Et à partir de tout cela, apparaît clairement l'état dans lequel les habitants de l'enfer vont se trouver au niveau du châtiment et de l'humiliation dans lesquels ils vont se trouver. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الظُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. Donc tu les verras être exposés à l'enfer en étant rabaissé et humilié. Surat Shura, verset numéro 45, et c'est sur cela donc qu'on se termine cette tentative de traduction des explications du Cheikh Ibn al-Uthaymin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège du châtiment de la GN et qu'il nous place parmi les habitants de la demeure des délices, wallahu al-musta'an, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.